إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, bienvenue à vous pour la deuxième journée de ce séminaire concernant la croyance authentique. Nous avons vu hier certaines notions fondamentales au sujet de la croyance et du minhaj, et nous avons parlé de l'importance de la croyance à laquelle nous devons donner la priorité dans l'apprentissage et dans le prêche, car cette croyance est la base de la religion sur laquelle repose la validité de l'ensemble de nos paroles et de nos actes. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour le musulman de faire des efforts dans l'apprentissage de la science de manière générale, mais plus particulièrement dans l'apprentissage de la croyance authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. C'est une obligation pour tout musulman. C'est-à-dire que tout musulman a pour devoir, a pour obligation d'apprendre une partie de la science qui lui permettra d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. L'étude de la science, mes frères et sœurs, elle n'est pas réservée à une catégorie de gens dans la communauté. Mais chacun d'entre nous est concerné par l'étude de la science. Bien sûr, l'apprentissage de certaines sciences, de certains détails ou de certains chapitres de la science n'incombe qu'à une partie de la communauté et relève de l'obligation communautaire. Il suffit à une partie d'entre nous d'apprendre ces sciences pour que les autres en soient affranchis et soient excusés. Mais il y a des domaines de la science religieuse dont l'apprentissage est une obligation individuelle, c'est-à-dire que c'est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Et c'est le cas de l'apprentissage des bases de la croyance. On ne parle pas de tous les détails de la croyance, mais les bases de la croyance. Chacun d'entre nous se doit d'acquérir ces sciences. Le sens des deux attestations de foi, ce que la prononciation de ces attestations implique, les bases de la foi au sujet des piliers de la foi, et ainsi de suite parmi les choses qui incombent à chacun d'entre nous. Nul parmi nous n'est censé ignorer cela. Il est surprenant aujourd'hui d'apprendre que certains parmi les musulmans seraient incapables d'expliquer le sens des deux attestations de foi. Ceci est le minimum pour chacun d'entre nous à savoir et à connaître. C'est la base de ta religion, c'est le premier pilier de l'islam. Comment pourrais-tu ignorer cela? Comment peux-tu accepter pour ta personne d'ignorer ces choses d'une importance si fondamentale? Donc ceci incombe à chacun d'entre nous et nul n'est censé ignorer cela. Et entre dans cela, bien sûr, dans les sciences qui sont obligatoires, d'une obligation individuelle, les règles de la purification, des ablutions, les règles de la prière, et ainsi de suite parmi les adorations par lesquelles nous sommes tous concernés. Et il ne fait aucun doute que la science la plus noble est la science de la croyance. Car en apprenant la croyance authentique, tu apprendras la raison de ta présence sur terre, la sagesse de ton passage dans ce bas monde, qui n'est autre que de concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui voit un culte exclusif. Il dit dans son noble livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Ceci est donc la raison de ta présence sur terre. Et nombreux sont ceux, parmi les créatures, à s'être égarés, car ils ignorent cela. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Quelle est la raison de leur passage ici-bas? Et par conséquent, ils ne profitent pas de leur passage sur terre pour concrétiser cet objectif. En apprenant la croyance authentique, tu apprendras quel est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Ce droit qui est de l'adorer en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. Et si tu t'acquittes de ce droit d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu obtiendras le salut et tu seras préservé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est venu dans le hadith que le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui donnent aucun associé. En apprenant la croyance authentique également, tu apprendras qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce qui est visé par l'adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah? Car nombreux sont ceux qui savent que seul Allah est en droit d'être adoré et qu'il n'est pas permis de lui donner des associés dans l'adoration. Nombreux sont ceux à savoir cela. Mais combien sont ceux à savoir ce qu'est réellement l'adoration? Combien sont ceux à penser que l'adoration se limite à la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage? Par conséquent, ils savent que l'adoration est un droit exclusif d'Allah, mais ils donnent des associés à Allah. Ils invoquent autre qu'Allah. Ils invoquent les saints, ils invoquent les walis, ils invoquent les tombes et les mausolées. Également, ils leur font des offrandes. Ils font des sacrifices pour les djinns, des sacrifices pour les morts, des sacrifices pour les mausolées. Pourquoi? Car ils ignorent que l'invocation et le sacrifice font partie des adorations qui ne doivent être vouées qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois qu'il est important d'apprendre la croyance, et que ceci est une obligation pour chacun d'entre nous. En apprenant la croyance authentique également, tu apprendras à connaître ton Seigneur. Tu apprendras à connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu apprendras à connaître ses noms, à connaître ses attributs. Et plus ta connaissance augmentera, plus ta crainte de ton Seigneur augmentera. Bi-innillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Seuls les savants le craignent, pourquoi? Car les savants connaissent la grandeur d'Allah. Ils connaissent sa majesté, ils connaissent son immensité. Contrairement à l'ignorant qui ignore cela et qui ne va donc pas craindre Allah à sa juste valeur. Et les bénéfices religieux de l'apprentissage de la croyance sont nombreux. Et on reviendra de manière plus détaillée sur ce sujet dans le cours de demain, Inch'Allah Ta'ala, qui aura pour titre « L'impact de la croyance sur la vie du musulman ». Mais le sujet de notre cours d'aujourd'hui concerne l'apprentissage de la croyance. Comment apprendre la croyance authentique? On a vu dans le cours d'hier qu'aujourd'hui, les musulmans sont divisés. Il y a plusieurs groupes. Chacun appelle à sa voix. Chacun appelle à sa méthodologie. Chacun appelle à ses croyances. Donc comment faire pour apprendre la croyance authentique? La réponse est que pour apprendre la croyance authentique, tu dois connaître les sources de cette croyance. Ces sources qui ne sont autres que le Coran et la Sunnah. Cela paraît évident, mais malheureusement cela échappe à nombre de personnes qui pensent que ces sujets sont ouverts à interprétation, à effort de réflexion, à raisonnement, à présentation de ses opinions, et ainsi de suite. Et par conséquent, ils se sont égarés. Et combien sont ceux aujourd'hui, parmi ceux qui se sont mis en avant dans le prêche, dans la prédication, notamment à travers les réseaux sociaux, et surtout sur les plateformes comme YouTube, Facebook et autres, à prétendre appeler à la croyance authentique, mais appellent en réalité à des croyances innovées, et notamment la croyance d'Asha'ira. Ils sont nombreux aujourd'hui. Donc pour apprendre la croyance authentique, il t'incombe tout d'abord de connaître les sources de cette croyance, qui comme on a dit sont le livre et la sunnah. L'éminent Cheikh, l'imam Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit encore dans son livre « Aqidat al-Tawhid, la croyance de l'unicité ». La aqida, la croyance, est tawqifiyya. Qu'est-ce que cela signifie tawqifiyya? Cela signifie que dans le domaine de la croyance, on s'arrête au texte. On s'arrête au texte. Elle est limitée au texte. On n'ouvre pas la porte à l'interprétation, au raisonnement, aux opinions, à la logique ou autre. Non, on s'arrête à ce qui est dans les textes. Il dit, hafidhahullah, elle ne peut être confirmée que par une preuve venant du législateur, soit un verset du Coran, soit un hadith authentique, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne laisse aucune place aux opinions et aux efforts d'interprétation. Il n'y a aucune place pour les opinions dans la croyance. Il n'y a aucune place pour les efforts d'interprétation. Il n'y a aucune place pour les efforts de réflexion. La croyance, elle est limitée au texte du Coran et de la Sunnah. Il dit, hafidhahullah, par conséquent, ses sources sont restreintes à ce qui est venu dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, et dans la Sunnah du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans les hadiths authentiques. Car nul ne connaît mieux ce qui incombe à l'égard d'Allah et ce dont il est exempt qu'Allah lui-même. Ça, c'est très important. De comprendre que personne n'est plus savant au sujet d'Allah qu'Allah lui-même. Aujourd'hui, il y a des gens, tu leur mentionnes un verset du Coran, démontrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tel ou tel attribut. et ils donnent une interprétation à ses attributs, et le font sortir de son sens. C'est comme s'il prétendait connaître mieux Allah qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh, hafidhahullah ta'ala, a dit, et après Allah, nul ne connaît mieux Allah que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'on revient dans le domaine de la croyance exclusivement au texte du Coran et de la sunnah. Il dit ensuite, hafidhahullah, c'est pour cela que le manhaj des salaf, la voie des prédécesseurs, les salafs, ce sont les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés. La voie des salafs et de ceux qui les ont suivis dans l'apprentissage de la croyance est limitée au livre et à la sunnah. Leur voie, elle est limitée, elle est restreinte au livre et à la sunnah. Ils n'ont pas fait d'effort d'interprétation, ils n'ont pas fait d'effort de réflexion dans le domaine de la croyance. Mais ils se sont arrêtés à ce qui est mentionné dans le Coran et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, hafidhahullah, ce qui est prouvé par le livre et la sunna au sujet d'Allah, ils y ont foi, ils y croient et le mettent en pratique. Tout ce qui est prouvé par le livre et la sunna au sujet d'Allah, au sujet des noms d'Allah, au sujet des attributs d'Allah, et au sujet des autres piliers de la foi, au sujet des anges, au sujet des messagers, au sujet des livres, au sujet du jour dernier, au sujet du destin, tout ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna, ils y ont foi, ils y croient et le mettent en pratique. Et ce qui n'est pas prouvé par le livre d'Allah, ni par la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils le nient et le refusent. Si quelqu'un vient et nous dit que tel ou tel attribut parmi les attributs d'Allah qui est mentionné dans son noble livre doit en réalité être interprété et être compris autrement que son sens apparent, alors nous refusons son interprétation et nous la nions. Pourquoi? Car elle n'est pas prouvée par le livre d'Allah ni par la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la croyance se limite à ce qui est mentionné dans le Coran et la sunna. Il dit ensuite, hafidhahullah, toujours parlant de la voie des salafs, de la voie des prédécesseurs dans l'apprentissage de la croyance, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de divergence entre eux dans la croyance. Ne divergeaient pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne divergeaient pas dans la croyance. Mais leur croyance était unique. Leur groupe était unique, ils n'étaient qu'un. Car Allah a garanti à ceux qui se cramponnent à son livre et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam que leurs paroles seraient unies, leur croyance juste et leur ménage, leur voix, identique. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Qu'est-ce que le câble d'Allah? On l'a mentionné hier. Le câble d'Allah, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Cramponnez-vous tous ensemble au Coran et à la Sunna, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et ne soyez pas divisés. Ne vous écartez pas de cela. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis, si jamais vous vient l'appel à une voix de ma part, l'appel à une bonne voix, alors quiconque suivra ma voix ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Celui qui suit les textes du Coran et de la Sunnah, celui qui s'accroche à ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme guide pour l'humanité, il ne s'égarera pas. Il restera sur le droit chemin ici-bas. Et il ne sera pas malheureux, c'est-à-dire il ne sera pas malheureux dans l'au-delà, mais il sera parmi les bienheureux. Car il recevra la bonne rétribution de son cheminement sur ce droit chemin ici-bas. Ensuite, Shir al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit, c'est pour cela qu'ils ont été appelés le groupe sauvé. Il parle de qui ici? Il parle de nos prédécesseurs, qui se sont cramponnés au livre d'Allah et à la sunna de son messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été appelés le groupe sauvé, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a attesté de leur salut lorsqu'il a informé que la communauté se diviserait en 73 groupes. 73 groupes qui iront tous au feu, à l'exception d'un seul groupe. On a vu ce hadith dans le cours d'hier, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a annoncé la division de la communauté, que cette communauté serait divisée, qu'il y aurait 73 groupes, chacun appelant à son groupe et à ses idéologies. Et tous ces groupes sont sous la menace du feu de l'enfer, en raison de leur opposition au texte du Coran et de la Sunna, à l'exception d'un seul groupe, Qui est-il? Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit, lorsqu'il fut interrogé au sujet de ce groupe, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Ceux qui sont restés sur ce quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu anhum. C'est ceux-là qui sont sauvés du feu. C'est ceux-là qui sont sauvés de cette menace. Ceux qui se cramponnent à cela, qui se cramponnent à cette religion, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, et comme ses compagnons radiyallahu anhum l'ont enseigné aux tabi'in qui sont venus après eux, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Ensuite il dit, hafidhahullah, il s'est produit ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la division. À quel moment? Lorsque des gens ont établi leur croyance sur des sources autres que le livre et la sunna. Lorsque les gens ont délaissé ces deux sources sûres, qui sont les sources sûres de notre religion, et qui ont voulu puiser leur croyance d'autres sources, alors s'est produit ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la division dans la communauté. Lorsque des gens ont établi leur croyance sur des sources autres que le livre et la sunna, comme la science de la rhétorique, ou les règles de logique, héritées des philosophes grecs, c'est à partir de là que la division s'est produite dans la communauté. Lorsque les livres des philosophes grecs ont été traduits en langue arabe, il dit, hafidhahullah, la déviance et la division sont apparues dans la croyance, et cela eut pour conséquence la division. Fin de citation de la parole de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc on voit à travers ces paroles que les sources de la croyance sont seulement les textes du Coran et de la Sunnah. Tu ne peux pas baser ta croyance sur des opinions. Tu ne peux pas baser ta croyance sur des efforts d'interprétation. Tu ne peux pas baser ta croyance sur des suppositions, sur un raisonnement logique ou autre. Non. Ta croyance, tu ne peux la baser que sur les textes du Coran et de la Sunna. Et tout ce qui s'oppose à ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna doit être rejeté. Et seul ce qui est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna peut être accepté dans le domaine de la croyance. Par conséquent, si tu veux apprendre la croyance authentique, tu auras nécessairement besoin d'un professeur. Donc tu devras prendre garde à ne pas choisir un mauvais professeur. Parce que si tu choisis un professeur qui appelle par exemple à la croyance d'Ash'ari, alors tu risques de devenir Ash'ari. Si tu choisis un professeur qui appelle à la croyance des Khawarij, alors tu risques de devenir Khariji. Si tu choisis un professeur qui appelle à la voie des Murji'a, alors tu risques de devenir Murji. Et ainsi de suite. Tu seras nécessairement influencé par ce professeur, ou alors par ces livres que tu lis, ou ces audios que tu écoutes, ou ces vidéos que tu visionnes sur les réseaux sociaux, ou ces messages que tu lis, et ainsi de suite. Tu seras influencé par cela. Et si tu lis et que tu écoutes tout ce qui se présente à toi sur ces réseaux ou autres, alors tu risques de te noyer dans de nombreuses ambiguïtés. Donc après avoir connu les sources sûres de la croyance, qui sont le Coran et la Sunna, il t'incombe de choisir une bonne méthode d'apprentissage et un bon professeur. Ne pas apprendre de manière anarchique, en écoutant tout ce qui se présente à toi sur les réseaux sociaux, ou en lisant n'importe quel livre dont le titre t'aurait plu. Non, il y a des règles dans l'apprentissage. Et tu ne dois prendre pour professeur, et tu ne dois suivre sur ces réseaux sociaux, et écouter à travers les moyens modernes de communication comme YouTube, Facebook et autres, que les gens de la Sunnah, ceux qui appellent au Coran à la Sunnah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Parmi ceux qui ont les aptitudes pour enseigner et qui sont dignes de confiance. Et tu ne dois pas te fier aux apparences. Aujourd'hui, nombre de nos frères et sœurs, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur YouTube par exemple, et ils voient une vidéo d'une personne qui se présente, souriant, avec un qamis, une petite barbe, et ils pensent qu'il est forcément sur la sunna. Ce n'est pas toute personne qui dit « je suis sur la sunna et j'appelle à la sunna » qui est réellement comme il le prétend. Ce n'est pas parce qu'une personne a mémorisé le Coran par cœur qu'il a forcément une bonne croyance. Combien sont ceux parmi les égarés à connaître le Coran par cœur, à le réciter sans aucune faute, à le réciter jour et nuit, mais à avoir une croyance corrompue, et à invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à rechercher la bénédiction auprès des tombes et des mausolées, à faire des sacrifices pour les djinns, à invoquer des walis, ainsi de suite. Combien sont-ils? Donc ce n'est pas parce qu'une personne mémorise le Coran, ou que celui-ci à une barbe ou un khamis qu'il est forcément sur la sunna. Non. Ne te fie pas aux apparences. Et ne prends ta religion que des personnes sur la sunna parmi les gens connus et dignes de confiance. Choisis un professeur qui t'appelle au livre d'Allah. Choisis un professeur qui t'appelle à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Choisis un professeur qui te renvoie dans la compréhension des textes du Coran et de la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et également un professeur qui te renvoie aux grands savants de la sunna parmi les contemporains. Ça également, c'est important. Car aujourd'hui, nombre de personnes parmi les jeunes de la communauté ont été coupés des grands savants. Ils ne connaissent pas les savants. Ils ne savent pas qui sont les savants de cette communauté. Combien sont ceux à ignorer le rang du Cheikh Al-Fawzan? Combien sont ceux à ignorer le rang du Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali? Combien sont ceux à ignorer le rang du Cheikh Ubayd ibn Abdillah Al-Jabiri? Hafidhahum Allah Ta'ala. Et avant eux, parmi les morts, le Cheikh Al-Haydan, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Uthaymin, le Cheikh Al-Albani, rahimahum Allah Ta'ala. Aujourd'hui, nombre de jeunes ignorent le rang de ces savants. Et pour eux, les savants, ce sont qui? Ce sont ceux dont ils voient les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est tout. Celui que je vois en vidéo, c'est lui le savant, et les autres, je ne les connais pas. Et si on lui demande qui sont les savants de la communauté, beaucoup d'entre eux ne citeront que tel ou tel qu'ils voient en vidéo sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une calamité. Donc si tu souhaites apprendre la croyance authentique, tu dois l'apprendre auprès des gens qui portent cette croyance. Et ne pas tendre l'oreille à toute personne qui parle. Et ne pas lire tout ce qui se présente à toi, écouter tout ce qui se présente à toi, non. Si tu fais cela, tu te mets en danger. Et nombreux sont ceux à s'être égarés en raison de cela. Il se sent à l'abri. Il va sur les réseaux sociaux. Il lit tout ce qui se présente à lui. Puis une ambiguïté entre. Puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il quitte la voie de la sunna. Qu'il quitte la voie des pieux prédécesseurs. Certains parmi ceux qui s'affilient à cette voie sont aujourd'hui devenus soufis et invoquent les pieux en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Combien sont ceux à faire partie de la voie des khawarij, à être remplis d'ambiguïté dans le domaine du takfir? Pourquoi? Car ils n'ont pas suivi ses recommandations. Ils ont lu tout ce qui se présentait à eux, ils ont écouté tous ceux qui parlaient. Ils n'ont pas fait attention à préserver leur foi, à préserver leur croyance. Donc si tu souhaites apprendre la croyance authentique, tu dois l'apprendre auprès de ces gens. Et choisir un bon professeur. Et ce professeur, ensuite, il t'indiquera les étapes à suivre dans cet apprentissage, incha'Allah ta'ala. Et on a vu que la science de la croyance, elle revient, de manière générale, aux six piliers de la foi, et tout ce qui découle de ces piliers. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. En ce qui concerne la foi en Allah, elle englobe la reconnaissance des trois catégories de tawhid, des trois catégories d'unicité. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unicité d'Allah dans l'adoration et l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Et généralement, l'apprentissage de la croyance, il commencera par la base, qui est l'unicité dans l'adoration. Car c'est pour cela que les prophètes, alayhim salatu wassalam, ont tous été envoyés. Ils ont tous été envoyés pour dire à leur peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de vrai Dieu en dehors de lui. C'est pour cela qu'on commence par l'étude de l'unicité dans l'adoration. Et généralement, dans cette science, depuis maintenant de nombreuses années, nos gens de science ont pris pour habitude d'enseigner des livres concis regroupant les questions essentielles à connaître sur ces sujets. Et parmi ces livres, il y a les épîtres de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, à commencer par al-usul al-thalatha, les trois fondements. Celui qui lit les trois fondements, qui les comprend et qui les met en pratique, wallah, il aura acquis un grand bien. Le shaykh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala disait que dans certains pays, l'étudiant qui a compris les trois fondements, qui les a saisis, alors il sera considéré comme étant Cheikh al-Islam. Cheikh de l'Islam, pourquoi? Car il renferme une science abondante. Et nombre de personnes aujourd'hui méprisent ce livre. C'est comme s'ils en avaient assez que ce livre soit enseigné. Et ceci est dû à la propagande de nombre de personnes parmi les gens de l'égarement, qui essayent d'écarter la communauté de la voie qu'ont emprunté nos savants depuis de nombreuses années, et qui est d'enseigner ce livre aux débutants, aux jeunes musulmans, aux enfants et ainsi de suite. Car il renferme les bases de notre religion concernant la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam et ses différents degrés, l'islam et ses cinq piliers, la foi et ses six piliers, ainsi que la bienfaisance et la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela se trouve dans ce court ouvrage. Les trois fondements ou les trois principes fondamentaux. Ensuite, l'étude de ce livre est suivie par l'étude des quatre règles, qui est aussi un court ouvrage de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, dans lequel il expose quatre règles te permettant de distinguer entre le polythéiste et le monothéiste. Ce sont des règles simples de base que tout musulman peut comprendre, mais ce sont des règles importantes qui malheureusement sont ignorées par nombre de gens, et qui par conséquent ignorent la nature du prêche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tu pourras faire suivre l'étude de ce livre par l'étude du livre Les Six Fondements, qui comprend six fondements immenses parmi les fondements de notre religion, qui sont l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah, l'obligation de s'unir sur la vérité, l'obligation de l'obéissance au gouverneur, qui nous permettra d'atteindre la perfection dans cette union. Également, comment distinguer entre les gens de science et ceux qui s'apparentent à eux, comment distinguer entre les vertueux et ceux qui s'apparentent à eux, et également le sixième fondement qui est la réfutation d'une ambiguïté établie par le diable prétendant que seules certaines personnes pourraient comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Ce livre, c'est un livre immense, qui comprend des fondements de la croyance et des fondements du ménage. Il est d'une grande importance également. Ensuite, tu pourras étudier les annulatifs de l'islam, qui regroupent 10 choses qui, si elles sont commises, font sortir la personne de cette religion. Et ça également, c'est une chose indispensable à connaître. Car celui qui ignore ces choses, il se peut qu'il commette un de ses actes annulatifs ou qu'il prononce une de ses paroles annulatives et sorte de la religion sans même le savoir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et enfin, tu pourras terminer cette série d'apprentissages dans l'unicité dans l'adoration par ce livre immense regroupant nombre de questions liées au tawhid qui est Kitab ou Tawhid, le livre de l'unicité. Les gens de science ont dit que jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ce livre n'a pas d'égal. Il est donc d'une grande importance de le lire, de le comprendre et surtout la finalité de le mettre en pratique. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. C'est bien beau d'apprendre la croyance authentique, d'apprendre ces livres, de les comprendre. Mais ce qui est attendu de nous est que nous mettions en pratique ce qui se trouve dans ces livres. Car si nous ne les mettons pas en pratique, alors ceci sera une preuve contre nous au jour de la résurrection. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Le Coran est une preuve pour ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique. Et c'est une preuve contre toi si tu ne le mets pas en pratique. » Et il en est de même pour l'ensemble des sciences religieuses. Suivre des cours, c'est une bonne chose. Être assidu à ces cours, c'est une bonne chose. Chercher à comprendre la science, c'est une bonne chose. Mémoriser, c'est une bonne chose. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est d'apprendre, de mémoriser, non? La finalité, c'est la mise en pratique. Afin de te rapprocher de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui est attendu de nous. Donc l'étude de ces livres, elle doit se voir sur ta personne. Lorsque tu comprends ta croyance, que tu avances, que tu étudies ces ouvrages, tu étudies les trois fondements, puis tu étudies les quatre règles, les six fondements, les annulatifs de l'islam, puis tu étudies Kitab ou Tawhid. Cela doit se voir sur ta personne. Avant l'étude de ce livre et après l'étude de ce livre, tu es censé être différent, car tu es censé avoir acquis de nombreuses connaissances religieuses. Et il est attendu de toi que tu mettes en pratique ces connaissances. Ceci est donc en ce qui concerne l'unicité dans l'adoration. Ensuite, en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, ainsi que les autres piliers de la foi aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais, ainsi que les autres questions liées à la croyance au menhaj, comme les droits des compagnons, les droits de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nos devoirs envers les gouverneurs, le jugement de l'auteur des grands péchés, et ainsi de suite parmi les questions de croyance. Toutes ces questions sont traitées dans un livre court mais d'une importance immense, écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui s'intitule « Al-Aqidatul Wasitiyah ». En étudiant ce livre avec son commentaire, auprès d'un professeur parmi les gens de la sunnah, de science et digne de confiance, alors tu auras acquis, bi'idhnillahi ta'ala, l'essentiel des choses à connaître sur ces sujets, bi'idhnillahi ta'ala. Et tu peux également étudier d'autres livres, des savants anciens, comme Usul al-Sunnah, les fondements de la sunnah de l'imam Ahmed, ou les fondements de la sunnah de l'imam al-Humaydi, ou encore Sharh al-Sunnah de l'imam al-Muzani, ou encore la croyance de l'imam al-Bukhari, ou encore al-Ha'iyya, qui est un poème sur la croyance des gens de la sunna écrit par l'imam Abdullah, fils de l'imam Abu Daoud, rahimahumullah ta'ala jami'a, et autres parmi les livres des gens de science. Les livres sont nombreux, la voie est simple, mais l'essentiel, comme on a dit, est de choisir un bon professeur pour cela. De ne pas t'égarer, de ne pas penser qu'aujourd'hui tu es sur la sunna et que tu es à l'abri. Non. Si tu te mets en danger, que tu écoutes le premier venu, que tu écoutes tout ce que tu trouves sur les réseaux sociaux, que tu ne suis pas la voie de nos savants dans l'apprentissage, que tu apprends de manière anarchique, que tu n'apprends pas de manière ordonnée, que tu ne suis pas des cours de manière assidue, que tu n'interroges pas au sujet des choses que tu ne comprends pas alors, tu risques de te perdre, de t'égarer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et en parallèle de cela, bien sûr, il est nécessaire pour celui qui souhaite apprendre les détails de la croyance et approfondir ses connaissances dans ce sujet, de faire des efforts pour apprendre la langue arabe. Car il y a certaines questions de croyance qui, bien qu'elles peuvent être expliquées en langue française, ne peuvent en réalité être réellement comprises qu'en langue arabe. L'arabe est donc la clé des sciences de manière générale, et c'est pour cela qu'il incombe à chacun d'entre nous de faire des efforts dans l'apprentissage de cette langue, qui est la langue du Coran. En apprenant cette langue, tu pourras comprendre les paroles de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et tu pourras comprendre les paroles de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, tu seras à l'abri, bi'inillahi ta'ala, de ceux qui vont tenter d'interpréter les paroles d'Allah et les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière contraire à leur sens apparent. Donc l'arabe, c'est la clé de la science religieuse. Mais cela ne signifie pas que sous prétexte que tu ne connais pas l'arabe, tu vas rester ignorant, non. Tant que tu ne connais pas l'arabe, tu fais des efforts pour apprendre cette langue, mais également tu fais des efforts pour apprendre ce qui incombe à tout musulman et toute musulmane de connaître. À commencer, comme on a dit, par les bases de la croyance, mais également les règles de tes adorations comme la purification, la prière, la zakat, le jeûne, et ainsi de suite. Ceci était donc quelques points concernant la méthodologie à suivre pour apprendre la croyance authentique. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage de cette science, de nous enseigner ce qui nous profitera, de nous faire profiter de ce qu'il nous a enseigné, de nous aider à mettre en pratique cette science afin que celle-ci ne soit pas une preuve contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.